Farida Belghoul, Vivienne Lambert, et Maître Jérôme Triomphe. Théorie du genre et euthanasie. Où en est le combat contre la théorie du genre à l'école? Que penser des affaires Vincent Lambert et du docteur Nicolas Bonnemaison? Un débat diffusé dans le libre journal de l'identité, le vendredi 27 juin 2014, sur Radio Courtoisie. Durée du débat, 1h30. Fichier audio fourni par MP3 Résistance. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de l'identité dirigé aujourd'hui par Arnaud Guy-Aujanin, diffusé en direct vendredi 27 juin 2014 de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, samedi 28 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour chers auditeurs, au micro Arnaud Guy-Aujanin, je remplace aujourd'hui Pierre-Alexandre Bouclet pour cette émission, mais vous le retrouverez le mois prochain. Cette émission sera rediffusée à 16h, de 16h à 17h30, et cette nuit de minuit à 1h30 du matin. Alors aujourd'hui, ce libre journal de l'identité est consacré à deux thèmes forts, avec des invités forts. Le premier, dans cette première partie, nous allons parler avec Farida Belghoul, porte-parole du jour de retrait à l'école et auteur de « Papa porte un pantalon et maman porte une robe », un livre illustré pour la jeunesse qui remet en cause la théorie du genre, qui est une théorie, une idéologie même, qui sévit depuis maintenant trop longtemps, depuis même un an, et qui peut-être va être renversée. Mais nous allons en parler avec Farida Belghoul, puisque j'ai intitulé cette première partie « Où en est le combat contre la théorie du genre ?» à l'école. Et puis en deuxième partie, nous recevrons Jérôme Triomphe, qui est l'avocat de Vincent Lambert et la mère de Vincent Lambert, pour parler du cas douloureux de cet homme qui est depuis 7 ans à l'hôpital et qui se débat pour vivre. Et ses parents mènent un combat extraordinaire pour essayer de faire en sorte qu'il puisse continuer à maintenir son cœur et à aller au-delà de la vie, à ne pas laisser succomber à la tentation de mourir. Que penser des affaires Vincent Lambert et du docteur Nicolas Bonnemaison, puisque les deux affaires sont liées et que le traitement médiatique est le même? Alors, ce sont deux cas évidemment différents, le cas Vincent Lambert et le cas Nicolas Bonnemaison. On sait que Nicolas Bonnemaison a donc été relaxé et que la peine qui lui avait été infligée de 5 mois avec sursis a été anéantie en quelque sorte, et que les 7 personnes qui ont été empoisonnées par ce médecin ont été comme d'une certaine façon mis entre les mains d'un médecin qui apparemment utilise des méthodes qui ne sont guère enviable dans notre pays. Mais nous en parlerons dans cette deuxième partie avec Maître Jérôme Triomphe, l'avocat de Vincent Lambert. Donc, qui se proposera de montrer en quoi il y a une connivence entre les deux histoires, l'histoire Vincent Lambert et l'histoire Nicolas Bonnemaison, et puis la maman de Vincent Lambert qui fait tout avec le père pour maintenir son enfant en état de vie face aux pressions de la mort. Alors, Farida Belghoul, vous êtes depuis maintenant 6 mois, 1 an, vous avez été diabolisée par les médias, beaucoup de journaux vous ont attaqué. Encore la semaine dernière, l'Express a consacré 5 pages à votre combat qu'il intitule « La croisade qui a tué les ABCD ». Alors on ne comprend pas d'ailleurs ce que ça veut dire les ABCD. En fait, c'est l'abécédaire de l'égalité qui était le livret proposé aux enfants à l'école et qui délivrait en quelque sorte la théorie du genre pour montrer en quoi il n'y a plus de sexualisation entre les êtres humains, entre les femmes et les hommes, une indistinction finalement entre eux. Et vous avez été évidemment calomnié, diffamé, diabolisé, mais vous n'avez pas cédé aux pressions et vous vous êtes acharné à combattre contre les pressions médiatiques, politiques, financières et autres. Et vous avez aujourd'hui publié cet ouvrage, Papa et Maman portent un pantalon et portent maman, Papa porte un pantalon et Maman porte une robe, pardon, illustré par Hugo, aux éditions. Alors, quelles sont les éditions qui ont publié ce livre ? C'est ma propre maison d'édition. Ah, c'est votre maison d'édition, oui, d'accord. Oui, j'ai créé à l'occasion de ces journées d'action ma propre maison d'édition. C'est les éditions RAID. RAID, ça veut dire Remédiation Éducative Individualisée à Domicile, qui est une association... R-E-I-D. Voilà, que j'avais créée en 2008 pour remédier aux problèmes d'illettrisme, en particulier dans les quartiers populaires. Et je n'avais malheureusement pas trouvé les budgets pour faire en sorte que je reprenne chez eux, 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, des jeunes des banlieues égarés dans les rues pour qu'on puisse leur redonner les fondamentaux que l'école ne leur avait pas transmis et qui expliquaient en partie leur errance dans les rues. Donc c'est un projet que j'avais eu en 2008 qui n'a pas pu réellement être monté à cause d'un manque total de financement et d'une, encore une fois, obstruction terrible, parce qu'il n'était pas question que je sauve des enfants de la rue, dans la mesure où il ne fallait pas que l'éducation nationale se montre pour ce qu'elle était, c'est-à-dire un organisme, une institution qui crée l'illettrisme de toutes pièces volontairement pour en arriver notamment au choc des civilisations, au choc des territoires entre par exemple la banlieue et le centre-ville. Depuis, j'ai toujours gardé cette association qui me sert aujourd'hui comme maison d'édition. Parallèlement, depuis 8 mois maintenant, j'ai lancé les journées de retrait de l'école. Alors ça, on va en parler. Voilà. Et dans le cadre des journées de retrait de l'école, il m'est apparu très rapidement qu'il était nécessaire aussi de joindre à la journée de retrait une action culturelle. Et face à la pléthore de livres transgenres qu'on propose maintenant aux enfants, notamment le titre « Papa porte une robe » m'avait interpellée et choquée, je me suis dit qu'il fallait que je livre en cadeau à ceux qui voulaient se battre et aux enfants, le contrepoison de « Papa porte une robe ». Et j'ai donc écrit « Papa porte un pantalon » et « Maman porte une robe », qui a été effectivement dessiné par Hugo. C'est un livre jeunesse qui s'adresse aux enfants de 3 ans dès lors qu'on leur lit l'histoire, mais qui peut être lu par des enfants jusqu'à 10, 11, 12 ans. On a vu des enfants de 12 ans beaucoup aimer cette histoire-là. Remettre à l'endroit, en quelque sorte, la réalité anthropologique. Exactement. Et il y a un autre titre qui va bientôt sortir, enfin, qui va bientôt sortir si nous arrivons à vendre celui-là, parce que nous sommes des combattants et des guerriers certainement très déterminés, mais aussi très pauvres. Ça va d'ailleurs ensemble. Et non violent. Et non violent, parce que malheureusement, oui, quand on vous dit aujourd'hui que vous êtes une combattante et que vous êtes quelqu'un qui est acharné dans le combat contre la théorie du genre, immédiatement on pense à la violence, à la convulsion et à tout ce qu'il peut y avoir de fanatique. Or, vous êtes déterminé, vous êtes sans concession, vous êtes radical, c'est-à-dire que vous renvoyez à la racine de ce qui est le mal, et le mal en l'occurrence c'est la théorie du genre, qui indifférencie les sexes, qui indistingue les sexes, qui uniformise les sexes, et non pas la violence ni verbale, ni écrite, ni physique, non, évidemment. Non, jamais. D'ailleurs, j'ai toujours interdit mes troupes de participer à des mouvements de rue, parce que je sais quel est le danger de ces mouvements de rue. Le dérapage et les provocations peuvent être multiples. Sauf pour jour de colère. Jour de colère ne fait pas partie de mon action. Oui, vous êtes agrégé à cette manifestation. Non, pas du tout. Non ? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout agrégé à Jour de colère. Je soutiens Jour de colère, comme j'ai pu soutenir d'autres actions qui ont eu lieu dans l'année. Mais les journées de retrait de l'école est un mouvement entièrement indépendant. Mais vous ne vous étiez pas agrégé à la manifestation, le jour de la manifestation de Jour de colère ? Non, pas du tout. Ah, je croyais, pardon. Non, ouais. Mais on avait soutenu, c'est-à-dire qu'on avait appelé à ce que les gens participent à la manifestation de Jour de colère, on soutient cette initiative, mais pour des raisons, disons, techniques, ce jour-là, on n'y était pas. D'accord. Alors, papa porte un pantalon et maman violence. Porte une robe, ça n'est pas véritablement un titre violent, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est justement, vous faites c'est bien... C'est à usage à la fois des parents... Voilà. Pour les enfants et à l'usage des enfants eux-mêmes. Exactement. C'est-à-dire qu'il est question que tout le monde prenne conscience avec cette petite histoire délicate de deux petits élèves à l'école qui se retrouvent confrontés un jour de carnaval à devoir porter une robe de princesse. Et on assiste à la réaction du petit garçon qui est destiné par le sort à faire cet exploit parce qu'il considère que c'est un exploit impossible pour lui parce qu'il est très attaché à son identité de petit garçon. Et donc avec son petit ami, ils vont essayer de trouver une solution pour sortir de cette ornière. Et c'est la maman du petit garçon visé, ciblé par la robe de princesse, qui va trouver la solution. C'est pour dire que ce n'est pas du tout un livre de propagande, anti-propagande du genre. Oui. C'est vraiment une histoire pour enfants qui met en scène des problématiques qui auraient très bien pu se passer sans même que l'idéologie du genre soit menaçante dans notre société. C'est donc une histoire qui peut être parfaitement lue, quelle que soit l'idéologie présente à l'école aujourd'hui, mais disons qu'elle servira quand même à combattre l'idéologie du genre, puisqu'elle met en scène une situation qui est refusée par des enfants et refusée par les parents de ces enfants. Un petit garçon, c'est un petit garçon et c'est pas une petite fille. Et donc, c'est effectivement ce livre la preuve de notre action pacifique dans le pays. Quand on dit que la journée de retrait de l'école est une action radicale, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens où on touche à la racine du problème, mais c'est pas vrai si on entend par radical un synonyme de violence. Donc il faut savoir que la journée de retrait, c'est forcément une initiative légale, sinon je serais déjà en prison. J'instruis mes enfants à la maison depuis toujours et une journée de retrait par mois est une opération parfaitement légale et à ce titre, on peut dire qu'elle n'est pas radicale au sens violent. Alors on y revient. Est-ce que vous croyez que des enfants... puisque vous les mettez en scène dans ce livre, est-ce que des enfants de 8, 9 ans peuvent se rendre compte de l'identité sexuelle et de l'identité qui est la leur et prendre conscience de la différence qui existe entre eux et des petites filles? Est-ce que les petites filles, même chose, est-ce que les petites filles ont conscience de l'identité sexuelle qui est la leur ou est-ce que ça vous paraît relever plutôt d'une volonté de votre part de conscientisation de cette jeunesse en mal de repère et dont les parents ne sont pas forcément toujours les principaux vecteurs? Ben écoutez, il y a les deux. Je disais il y a quelques semaines devant l'apathie et les trahisons dont nous avons été les victimes, puisque malheureusement, les journées de l'école est un phénomène extraordinaire dans le pays, mais qui n'est pas l'objet d'un consensus parmi les défenseurs de la famille, ni parmi les élites islamo-catholiques, ce que je déplore et que j'ai souvent souligné comme étant vraiment un obstacle qui est dressé devant nous et qui est tout à fait déplorable. Que nous n'ayons pas à nos côtés nos évêques et nos imams est un malheur pour les enfants aujourd'hui. Donc, y compris d'ailleurs, j'imagine aussi, les rabbins, les agnostiques, tous ceux qui personnalités. Croient en Dieu ou qui n'y croient pas, mais qui croient en la loi naturelle. Voilà. C'est-à-dire que je pensais naturellement, c'est le moins qu'on puisse dire, que les évêques et les imams en particulier, parce que nous sommes quand même mobilisés en tant que catholiques et en tant que musulmans. Oui, disons que les deux franges les plus exposées et les plus combatives, les plus déterminées contre la théorie du genre, ce sont les catholiques dont Alain Scada est un des principaux artisans, un des principaux Béatrice dirigeants. Bourges également. Béatrice Bourges, bien évidemment. Christine Boutin aussi. Christine Boutin et quelques autres. L'abbé Tanoir n'est d'autres prêtres comme le père Horowitz, le père Blin, le père Abbé Pagès aussi, l'abbé Pagès, monsieur l'abbé. Donc on a trouvé quand même... Et vous, Farida Belghoul, qui est musulmane, avec un certain nombre de vos amis musulmans, qui sont musulmans. Exactement. Et donc, nous, notre objectif a toujours été clair. Il ne s'agit pas de poser la question autrement qu'en termes de la défense de la loi naturelle. Et cette défense de la loi naturelle, on le verra aussi avec l'affaire de Vincent Lambert, c'est des recoupements qu'on peut faire dans tous les domaines, c'est qu'aujourd'hui, cette loi naturelle est parfaitement combattue par des lobbies et des pouvoirs qui sont absolument vraiment mortifère. Alors qu'est-ce que vous répondez, Farida Belghoul, à l'argument d'un certain nombre de personnes qui disent si l'on n'est pas issu de la civilisation judéo-chrétienne et même islamique, le terme de loi naturelle, l'expression loi naturelle ne renvoie à rien de réel sur le plan historique. Comment est-ce que vous pourriez définir cette loi naturelle qui paraît évidemment naturelle pour nous, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde? Écoutez, qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui définit pour vous la loi naturelle ? En termes simples, c'est ce qui ne peut pas être changé sous les faits et sous l'action des hommes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre le ciel sous nos pieds et la terre au-dessus de nos têtes. Par exemple, ça relève effectivement d'une illustration de ce qu'est la manifestation de la loi naturelle. On ne peut pas non plus naître dans un corps de femme et devenir un homme. C'est un mensonge pur et simple. C'est-à-dire que nous sommes forcément dans des règles du jeu de la loi naturelle dont on parle, qui nous contraint à nous maintenir dans un certain nombre de modalités avec lesquelles on peut composer en tant que dans le domaine culturel, politique et social, mais on ne peut pas remettre la dimension, je dirais, naturelle de la nature. C'est un peu idiot ce que je vais vous dire, mais on n'est pas dans la situation de pouvoir remettre en cause des choses qui sont que nous ne pourrons jamais vivre autrement qu'en respirant de l'air. Nous ne pourrons pas non plus faire autrement pour survivre que de boire de l'eau ou de boire tout court. Donc nous sommes là dans des exemples très simples que je formule pour comprendre qu'il y a des contraintes que notre niveau d'existence nous impose et avec lesquelles il faut absolument faire. C'est comme dans un jeu d'échecs. Vous avez des règles qui sont très contraignantes et l'art du jeu justement consiste avec ces contraintes de faire émerger de la liberté et il n'y a pas de liberté sans contraintes. Mais sans le respect de ces contraintes-là, il faut savoir que nous allons vers le chaos. C'est-à-dire que si moi je ne respecte pas par exemple les règles du jeu d'échecs, eh bien je joue à tout à fait autre chose qu'à un jeu d'échecs ou un jeu de dames. Il est absolument important pour les créatures, pour les êtres humains aujourd'hui, qu'on comprenne que ce qui nous a été donné de manière définitive, ne peut pas être remise en cause sans produire un chaos généralisé qui nous conduira forcément à la barbarie. Donc ne pas comprendre ce qu'est la loi naturelle est une limite intellectuelle qui est extrêmement grave et qui est forcément semeuse de chaos et de barbarie. Alors je salue l'arrivée dans le studio de Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambert. Nous allons parler dans cette deuxième partie du cas de Vincent Lambert et du cas du docteur Benmaison. Nous attendons Jérôme Triomphe qui va arriver et qui est avocat de Vincent Lambert. Alors nous poursuivons avec Farida Belghoul. En réalité, la loi naturelle peut être issue du surnaturel mais n'est pas forcément liée au surnaturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir recours au surnaturel pour défendre la loi naturelle. Mais est-ce que le paganisme pré-chrétien, le paganisme romain ou le paganisme grec défendait cette loi naturelle ? Est-ce que finalement le paganisme classique, la société classique pré-chrétienne s'inscrit en continuité avec ce qu'a été le christianisme par la suite ? De toute façon, pour dire encore les choses très simplement, nous n'avons jamais connu dans l'histoire de l'humanité une période comme celle-ci. C'est-à-dire qu'avant nous, tout le monde a respecté cette fameuse loi naturelle, pour la bonne raison que nous nous trouvions dans un niveau des sciences rattaché justement à la morale et au spirituel, nous étions rattachés systématiquement à une autorité spirituelle qui était, à mon avis, quelle que soit la religion, quand même inspirée par le ciel, et les hommes ne se permettaient absolument pas d'être des véritables démons, dans le sens où ils voulaient rompre avec le ciel et rompre justement avec les injonctions divines qui nous imposait de considérer que la création correspondait à des règles auxquelles il fallait se soumettre pour le bien de cette humanité créée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a jamais vu de civilisation produire de pareilles monstruosités, c'est-à-dire de produire par exemple un discours qui, s'adressant à des enfants les plus petits, leur propose de changer de sexe. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on assiste à pareille déviance et à pareille perdition, parce qu'il s'agit, à mon avis, effectivement d'une voie qui est prise aujourd'hui par la société et qui va être définitivement dramatique pour le sort de l'humanité. On ne l'a jamais vu auparavant. Si on ne l'a jamais vu auparavant, ce n'est pas la preuve qu'avant, les gens étaient arriérés et que nous serions aujourd'hui dans le progrès. Nous pouvons parfaitement inverser les choses et considérer que nous avons été antérieurement dans des sociétés civilisées et que de civilisation en décadence, nous tombons effectivement dans la dégénérescence actuelle où même le récit de Sodome et Gomorre ne met pas en scène des enfants auxquels on s'adresse en tant qu'adultes pour leur proposer des orientations sexuelles, comme on le dit maintenant à l'école, qui seraient bisexuelles, transsexuelles, homosexuelles, jusqu'à prendre des traitements scientifiques, médicaux, hormonaux, au profit des labos pharmaceutiques évidemment, qui vont conduire à ce que soit mis en scène un mensonge dans la société, ce mensonge étant qu'un homme peut se transformer en femme et qu'une femme peut éventuellement être un homme. Ça, c'est l'absolu mensonge total. Ce qui n'est que la conséquence et le résultat de la masculinisation de la femme et la féminisation de l'homme dans la société en général, d'ailleurs. Oui, mais vous savez, prenez des tas de jeunes femmes qui, à l'adolescence, jusqu'à des 20-22 ans, étaient très masculines. Elles ont été extraordinairement féminisées, le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire, elles ont pu retrouver leur nature première au moment de la maternité. Oui. Je pense à une... Ça va un peu contre le féminisme stéréotypé. Stéphanie de Monaco, par exemple. Ouais. Hein, j'essaye de donner des images et de renvoyer à des personnalités que tout le monde connaît. Eh bien, Stéphanie de Monaco a été une sorte de garçon manqué jusqu'à ce que finalement elle soit la maman de ces enfants qu'elle a eus. Mais ce et que vous dites, Farida, elle a éminemment changé dès lors que la possibilité lui est restée acquise d'être une mère. Si aujourd'hui, avec des traitements hormonaux et avec des opérations chirurgicales et avec une intervention prétendument scientifique, on entrave les retours possibles et les restaurations possibles des individus dans leur sexe ou dans leur identité ou dans leur existence, eh bien, on est en train de mettre en place une stratégie de mort au profit des labos pharmaceutiques notamment, moi je dirais même au-delà, au profit de la barbarie, pour que finalement on arrive à une société, à une contre-civilisation où l'être humain ne sera pas un être humain, ne sera plus une créature, mais sera simplement qu'une marchandise dans laquelle on le pourra shooter. Alors, une petite parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire à propos de la femme qui devient mère, ça va un peu contre le cliché contemporain qui consiste à dire qu'au moment où une femme devient mère, elle se déféminise parce que justement elle a un enfant et elle n'est plus la femme de son mari, elle devient surtout la mère de son enfant et tous les stigmates physiques et physiologiques, mentaux, etc. caractérisent à ce moment-là cette femme par sa déféminisation. Or vous dites au contraire que c'est au moment où la femme devient mère qu'elle se réalise pleinement en tant que femme. Ah oui, qu'elle s'épanouit même physiquement. On a tous les exemples qu'il faut sous nos yeux dans notre environnement proche ou dans l'espace public. On l'a toujours vu. La maternité est un aboutissement possible parce que certaines femmes n'ont pas le bonheur de connaître cela. Elles sont très rares, heureusement, parce que c'est grâce à cette maternité qu'aujourd'hui nous sommes autour de cette table quand même pour en parler. Nous sommes quand même entre devoir choisir, c'est complètement fou, de devoir choisir entre la fécondité et la stérilité. Parce que ce qui est proposé aujourd'hui, par l'idéologie du genre, par le féminisme lesbien radical, par tous ceux qui soutiennent ces voix-là, si tant est que ce sont des voix, parce que pour moi une voix c'est quelque chose qui est ascendant. Là je pense que c'est plutôt une descente, on a affaire à des descentes vers l'enfer. C'est pas la voix de l'éveil, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers, donc toutes ces femmes qui nous proposent aujourd'hui d'aller, toutes ces femmes radicales, alors elles pour autant, elles le sont. Ou extrémistes. Eh bien on est dans une situation où on est en train de remettre en cause la beauté telle qu'elle a été conçue. Alors par Dieu si on y croit, si on croit en sa présence, et par la nature devant laquelle tout le monde s'extasie. Enfin moi je suis tout à fait étonnée que parmi aujourd'hui les progéniteurs, vous en avez beaucoup qui mangent bio. Bon, s'ils mangent bio d'un côté et qu'ils souhaitent se retrouver dans des cadres naturels magnifiques dans lesquels ils peuvent se ressourcer en tant que créatures, retrouver une énergie perdue par le travail, la fatigue, etc. Comment peuvent-ils de la même façon et parallèlement prétendre que nous pouvons changer de sexe ou considérer que toutes les orientations sexuelles telles qu'ils les appellent sont bonnes, parce que nous ne pouvons pas mettre à égalité une sexualité féconde qui est encadrée par le mariage pour élever des enfants dans un cadre qui leur est sécure et une sexualité qui est ultra minoritaire de toute façon et qui est forcément composée d'un duo stérile qui les conduise maintenant, parce que la loi les a reconnus, à considérer qu'ils peuvent acheter des enfants sur un marché qui est en train de s'ouvrir dans le monde. Donc on est non seulement dans l'aberration et le mensonge, mais on est aussi dans une extrême méchanceté, dans une cruauté perverse qui ne porte pas de nom. Si je me laissais aller, je dirais qu'on a affaire vraiment à quelque chose de tout à fait démoniaque, parce que quel homosexuel aujourd'hui marié par la loi civile peut avoir le cœur d'acheter l'enfant d'une femme à l'autre bout du monde ou en France ? Enfin, je veux dire qu'il faut être particulièrement particulièrement monstrueux et, excusez-moi le terme, particulièrement dégueulasse pour en arriver à considérer que les enfants des femmes fécondes peuvent être l'objet de contrats de vente ou d'achat pour des femmes ou des hommes stériles dans la sexualité qu'ils ont choisie. Donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, nous devons être fermes si nous voulons sauver la civilisation. Et puis aussi, forcément, j'en reviens toujours à cette question de la France chrétienne, parce que je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui pour remédier, pour restaurer, que d'en appeler à la résurrection de cette France chrétienne que j'appelle de mes voeux depuis maintenant plusieurs mois et que malheureusement, je ne vois pas revenir facilement. C'est-à-dire qu'au niveau des catholiques, au niveau de l'Église, il y a une tiédeur permanente et quotidienne qui nous est opposée systématiquement. Alors que nous sommes en train, à l'école, dans la maçonnerie, dans la République laïque aujourd'hui, dans ces murs que sont l'école publique, en train de violer psychiquement des enfants. Et si j'avais le temps de vous raconter tout ce qui s'y passe, vous seriez horrifiés, tout en prenant le risque moi-même d'être en diffamation calomnieuse, ce qui a déjà été le cas par rapport à l'affaire de jouer les tours. Et nous sommes réduits au silence parce que nous n'avons pas d'alliés. Alors les manifestations, oui, les pétitions, je reviens encore là-dessus, ne changeront rien. Il ne sert absolument à rien de penser que des manifestations vont nous permettre aujourd'hui de nous faire entendre. Ce qui peut aujourd'hui sauver les enfants, si on veut les sauver réellement, c'est que les parents eux-mêmes prennent à bras le corps cette question et sauvent les enfants en les retirant au moins une fois par mois, comme ça a été le cas ces 6 derniers mois dans le cadre de la JRE, voire éventuellement plus à partir de la rentrée, de les retirer de l'endroit où on entend leur faire du mal au nom de l'égalité. Alors, on va revenir dessus, chère Farida. Le discours qui est le vôtre pourrait paraître à certains assez pessimiste, assez angoissé, assez réfractaire à l'optimisme béat des sociétés occidentales et des thuriféraires du progrès. Il se trouve que vous êtes aussi pleine d'espérance et pleine de vitalité, et que vous défendez précisément cette nature et cette surnature créatrice. Et cela me fait penser à un aphorisme de Chesterton qui disait « Nous périssons non faute de merveille, mais faute d'émerveillement ». Et finalement, c'est vrai que quand vous en appelez à la fois à la terre et au ciel, le ciel est un, la terre est multiple, comme dirait l'autre, vous êtes dans une perspective à la fois transcendantale et immanente qui permet de défendre la société dans son ordre cosmique, dans son ordre transcendantal, contre l'horizontalité, le matérialisme amnésique et le nihilisme contemporain. Et cela ne fait pas de vous une pessimiste rabougrie, je crois qu'on l'entend là au micro. Hein, il faut le dire parce que ça peut parfois être difficile pour certaines personnes d'entendre certaines vérités. Non mais écoutez, là je vais choquer tout le monde, bon ça me fait pas peur, je connais le tarif. Oui, vous y êtes abonné. J'y suis abonné. Donc ce que je veux dire, c'est que ceux qui pensent que le combat des JRE ou le combat tout court est quelque chose qui s'appuie sur le pessimisme, c'est en général en provenance des lâches. Vous savez, les lâches et les hypocrites ont toujours de bonnes raisons d'être lâches et d'être hypocrites. Aujourd'hui, les choses sont extrêmement limpides. Nous avons vu ce qu'il se passe à l'école, et pas seulement à l'école. L'Eurovision, le résultat de l'Eurovision, il est criant, la journée de la jupe est criante. Nous avons sur Internet tout ce qu'il faut pour voir, comprendre et entendre et prendre ses responsabilités. Face à ces populations, ces groupes, ces mouvements qui jouent la carte des trois saints, je ne veux rien voir, rien dire et rien entendre, eh bien ils porteront devant Dieu les responsabilités qui sont les leurs et devant l'histoire et les hommes, et les enfants, les responsabilités qui sont les leurs. Moi, je dis une chose très simple. Je pense, si Dieu veut, que mes enfants s'occuperont de moi quand je serai vieille parce que je me suis considérablement occupée d'eux. Et j'appelle justement tous les parents à ne pas abandonner leurs enfants. Tous les enfants qui auront été abandonnés par leurs parents. Je signale que Farida Belghoul regarde la maman de Vincent Lambert au moment où justement elle dit ses propos. C'est important parce qu'on n'est pas à la télé, nous sommes à la radio. Voilà. Donc tous ceux qui s'occupent de leurs enfants, quand ils ont eu des enfants, et nous sommes nombreux à avoir eu des enfants, retrouveront cela quand ils seront vieux eux-mêmes et quand ils auront, disons, atteint un âge de dépendance à l'égard d'autrui. Et qu'on soit repris en charge par ses propres enfants ou des jeunes qui, à ce moment-là, parce que je l'ai fait, moi, pour une dame qui s'est occupée de moi quand j'étais jeune, elle m'a trouvée quand elle a été vieille. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une complémentarité, non seulement entre la femme et l'homme, et d'ailleurs j'appelle, dans le cadre de la FAPEC, fédération autonome des parents engagés et courageux que je suis en train de mettre en place, à ce que nous mettions non seulement en place des JRE locales et ciblées en cas de besoin, mais aussi un ABCD de la complémentarité, et nous montrerons ce que formidable. Cela signifie. Puisqu'il s'agit de faire des ABCD, eh bien écoutez, nous proposons l'ABCD de la complémentarité, j'en parlerai à partir du mois de septembre. Nous proposons aussi des formations aux parents, c'est-à-dire que nous avons l'intention à partir de la rentrée de mettre en place des formations de connaissance de la méthode syllabique aux parents afin qu'ils puissent eux-mêmes à la maison remédier aux dégâts de la méthode globale. Nous proposons aussi des formations aux collégiens de grammaire traditionnelle et explicite, puisque nous en sommes avec des lycéens et des collégiens qui sont même pas capables de comprendre le sens d'un texte parce que la grammaire leur échappe. Et nous voulons aussi, à l'égard des lycéens, proposer des formations, je dirais, à l'histoire de France, en deux volets, l'histoire des rois, de la France des rois, et puis l'histoire de la Révolution française, pour donner aux jeunes aujourd'hui des clés de compréhension du monde dans lequel ils se trouvent. Donc tout cela a besoin que nous nous structurions. Nous avons besoin de trouver aussi des financements, donc j'appelle à ce qu'on adhère à la Fédération autonome des parents engagés et courageux. Les parents, c'est à entendre au sens large, il s'agit du père et de la mère, bien évidemment, mais il s'agit aussi des grands-parents, des oncles et des tantes. Donc, comment peut-on faire pour adhérer ? Alors, pour adhérer à la FAPEC qui se constitue là, en juillet et août, sous ma direction, vous devez écrire à notre boîte mail JRE, comme journée de retraite d'école. Enfin, l'adresse mail, c'est JRE2014@hotmail.fr. On met en objet FAPEC, F-A-P-E-C, et on me propose l'adhésion, et je réponds ensuite dans le courant de l'été pour proposer les adhésions. Alors, donc, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, au libre journal de l'identité, au micro Arnaud Guyot-Janin, pour parler dans la première partie avec Farida Belghoul du sujet suivant: où en est le combat contre la théorie du genre à l'école. Farida Belghoul, qui est la porte-parole du jour de retrait à l'école, elle vient de le dire, et qui est l'auteur de « Papa porte un pantalon et maman porte une robe » aux éditions RED. Alors là aussi, si vous pouvez nous donner les coordonnées pour pouvoir se procurer l'ouvrage. Alors le mieux, c'est d'aller sur jre2014.fr et voir notre onglet. Donc la même adresse, jre2014. Non, parce que l'adresse pour nous écrire pour adhérer à la FAPEC, c'est jre2014@hotmail.fr. D'accord. Mais pour commander le livre en ligne, il faut aller sur notre boutique en ligne, sur le site jre2014.fr aussi. De toute façon, il y a des liens, j'imagine. Voilà, il y a des liens et on peut... moi, je réponds personnellement quasiment à tout le monde. Enfin, autant que faire se peut, parce qu'il y a des saisons où je peux avoir 400-500 mails par jour. Mais disons que je suis aidée, je sais exactement tout ce qui se passe. Et il est important d'acheter ce livre parce que c'est aussi une arme de combat, ce livre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en septembre, c'est la rentrée scolaire et que ce livre que vous venez de publier, « Papa porte un pantalon et maman porte une robe », sera très utile aux enfants et aux parents, et que la fédération que vous voulez mener de combat, la fédération autonome sera aussi, j'imagine, un projet, une initiative qui est la vôtre et qui rentrera de plein pied dans l'action qui est la vôtre à partir de la rentrée. Voilà, et qui fait très peur au pouvoir, puisqu'il faut répondre quand même à la question que vous m'avez posée, où en est le combat ? Eh bien, le combat en est qu'actuellement, je pense que... Vous devancez la question que j'allais vous poser et qui était précisément celle génériquement posée par la question dans l'émission. Voilà, c'est où ça. Où en est le combat ? Où en est le combat ? Eh bien, écoutez... qu'est-ce que vous avez gagné ? Est-ce que vous avez remporté des victoires ? On va parler après... très rapidement, de ce qui s'est passé il y a 8 jours avec l'abécédaire de l'égalité. Mais pour l'instant, est-ce que vous pourriez nous dire, depuis 6 mois, 9 mois, est-ce qu'il y a eu des points de marqués, et est-ce que vous avez réussi à vous adresser notamment aux quartiers populaires que vous envisagiez Dans les quartiers populaires a été phénoménale. C'est pour cela d'ailleurs que Vincent Peillon lui-même est descendu pour se battre lui-même dans le Parlement en disant ce qu'il a dit à l'époque, à savoir qu'il fallait impérativement que l'administration scolaire descende dans toutes les familles, chez toutes les familles, pour les empêcher de continuer à faire cette action. Donc en janvier, c'est des centaines de milliers d'enfants qui ont été retirés par notamment les parents des quartiers populaires. Les parents ont ensuite été l'objet et ont été victimes de représailles extrêmement féroces par l'administration scolaire, relayée par les médias, relayée par la passivité des imams qui ont, par peur et lâcheté et hypocrisie, laissé les familles seules quand... parfois même certains imams ont appelé à ne plus participer. Oui, parce que quand vous parlez des quartiers populaires, c'est confessionnellement essentiellement des musulmans qui ont été retirés de l'école. Oui. À 90% beaucoup, en tout cas. Beaucoup, mais ils ont été évidemment accompagnés par tous ceux qui dans les quartiers populaires ne sont pas forcément musulmans. Mais quand je parle des imams, c'est pour dire le rôle très négatif qui a été le leur, puisque malheureusement, au lieu d'accompagner les familles pour sauver les enfants, ils se sont opposés aux familles. En me diabolisant, me faisant passer pour ce que je n'étais pas. Et décidément, entre les imams en islam et les évêques dans le catholicisme, on a affaire surtout à des institutions et à des responsables qui ne sont pas véritablement très responsables. Non, ils ne le sont pas. Et puis alors, c'est d'autant plus ridicule en islam que nous n'avons pas de clergé. C'est la société française, si je puis dire, qui a inventé ce clergé musulman. Et on voit à quoi il sert. Sauf dans le chiisme. Oui, mais enfin, ça, c'est pas le débat, ouais. Pour l'instant. Donc, si vous voulez, dans la société, dans la communauté musulmane en France et dans l'islam en général, il n'y a pas de clergé, au sens ecclésiastique du terme. Nous n'avons pas de hiérarchie auquel nous devons obéir ou se soumettre. Et ce pseudo-clergé musulman a été mis en place par l'État français à différentes occasions. Et il est là, évidemment, pour encercler les musulmans et les empêcher d'agir. Lorsque l'action est nécessaire. Ce qui est très intéressant de voir aujourd'hui, c'est que les imams proposent de construire des mosquées en France. Moi, je suis d'une génération où il n'y avait pas de mosquée, on était très pieux et très discret et on n'était pas en confrontation systématique avec la société française. Aujourd'hui, les gens ont des mosquées qui sont, eh bien, ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais c'est comme cela, de véritables tombes dans lesquelles ils ont enterré et enfermé des musulmans pour les empêcher d'agir et d'apparaître dans la société française comme en faisant partie et non pas contre cette société. Rappelons aussi, là c'est un autre débat, mais que les 2000 mosquées dont on parle dans les médias souvent ne sont pas 2000 minarets. Hein. Il faut faire la différence entre une mosquée qui peut tout simplement se trouver dans un garage, oui, voilà. Et un minaret qui est évidemment est beaucoup plus proéminent, beaucoup plus visible et qui lui peut avoir effectivement des conséquences sur le paysage ou voilà, enfin, voilà. C'est un autre débat. Tous ces débats, c'est un autre débat. Moi, mon combat, c'est celui des enfants. Aujourd'hui, on répète que les imams et les évêques ne sont pas là. Quelques exceptions près pour les imams. Il y en a un ou deux qui nous soutient tout à fait discrètement et encore que. Au niveau des prêtres, nous avons eu beaucoup plus de mobilisation. Est-ce que ça n'est pas parce que vous vous mettez un petit peu en dehors de la République? Parce que vous avez dit, par exemple, que l'école n'étant plus aussi républicaine au bon sens du terme, c'est-à-dire défendant la chose publique et défendant le cadre structurel permettant à l'enfant de s'épanouir, il fallait finalement ne plus rentrer à l'école et que les enfants devaient être retirés de l'école pour essayer justement de faire en sorte que la famille puisse les éduquer. Est-ce qu'à ce moment-là, effectivement, vous ne rentrez pas dans une démarche un peu clandestine et illégale qui vous est reprochée par les imams ou par les évêques qui sont dans l'institutionnel? Non, comme on l'a dit, la JRE illégale est tout à fait légale. Une journée de retrait de l'école par mois est tout à fait légale. Et le projet que j'ai formé, que j'ai proposé aux gens, n'a pas été de déscolariser leurs enfants, loin s'en faut. Je ne suis pas quand même une illuminée, c'est-à-dire que je sais très bien à quel point les organisations familiales, sociales, territoriales ont fait en sorte que aujourd'hui on ne peut pas échapper à l'école. On n'est plus du tout à une période où on pouvait l'envisager. Moi, ce que je veux, c'est restaurer une saine école. Ce n'est pas casser l'école, puisque bien évidemment, ce n'est pas possible. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que l'école est objet d'infiltration d'idéologie mortifère dont nos enfants sont les victimes, et il faut se battre pour que cette école retrouve sa mission première qui est celle d'instruire et non pas d'apporter des déviations à nos enfants au nom de l'égalité ou du respect de l'égalité garçon-fille. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans des murs qui prétendent une chose et qui en fait l'inverse. L'égalité qui est préconisée aujourd'hui entre les garçons et les filles est une modalité qui consiste en fait à les désorienter sexuellement parlant. Or, l'identité sexuelle est la première différenciation avec laquelle nous devons faire. C'est une différenciation qui est fondamentale, qui est un pilier de la civilisation. Et sans cette restauration, ce maintien, ce respect de cette différenciation, nous allons nous retrouver au milieu de la confusion qui, par ailleurs, est générale. C'est-à-dire confusion entre les classes sociales au sens que, justement, la démocratie prétendue dans laquelle nous nous trouvons, nous amène à un nivellement vers le bas à tout point de vue qui conduit, comme je le dis régulièrement, au chaos généralisé. Alors il se trouve que dans la perspective qui est la vôtre, Farida Belghoul, vous défendez l'identité spirituelle et bioculturelle des peuples, et notamment des individus français présents en France. Vous avez donc mené cette dite croisade contre l'abécédaire de l'égalité. Ce qu'on veut me faire dire, c'est ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en effet, c'est pas réductible. L'abécédé de l'égalité, c'est un la partie visible de l'iceberg. On peut retirer cette partie-là, n'empêche que le danger demeure. Alors, il y a une semaine, on a pensé qu'on allait retirer l'abécédaire de l'égalité, que Benoît Hamon allait retirer cet abécédaire des écoles. Et puis finalement, il se trouve que le lobby LGBT serait particulièrement partie prenante dans l'affaire et mettrait la pression sur le gouvernement pour empêcher que cet abécédaire de l'égalité puisse être précisément supprimé de l'école. Ben tout à fait, je pense que Benoît Hamon aujourd'hui, il est dans un bras de fer entre nous, JRE-FAPEC, c'est-à-dire journée de retrait de l'école et fédération autonome des parents engagés et courageux, et puis les lobbies LGBT, on les a vus intervenir par différents canaux, il est au milieu, il doit décider, il a reporté sa décision finalement à début juillet, au moment où nous serons en vacances, il devait l'exprimer le 20 juin dernier, il ne l'a pas fait, ça a été reporté. Au 20 juin, nous étions vainqueurs, entre guillemets, c'est-à-dire victorieux de la première bataille. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis vous avez réussi cette première bataille et que vous avez gagné cette première, vous avez réussi cette première victoire? Parce qu'au départ, on peut penser que Benoît Hamon, étant le ministre de Manuel Valls et de François Hollande, ne serait pas tout à fait d'accord pour retirer, et que ce serait précisément une victoire pour vous que de retirer ce livre dont ils ont tous dit qu'il n'était pas présent dans l'éducation nationale et dans les milieux scolaires, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, vous avez réussi, dans un premier temps, à gagner cette première bataille, et puis que finalement, vous avez été rattrapé et que aujourd'hui on est dans la suspension. C'est un petit peu le même cas que dans l'affaire Vincent Lambert, même si évidemment ça n'est pas la même nature. Nous avons gagné cette première bataille. Moi, je pense que ça s'explique par la cohérence du combat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défiler toute la journée contre la théorie du genre dans l'école, dans des manifestations, et puis de l'autre côté, les amener le lendemain à l'école pour les livrer à cette théorie du genre. Vous croyez que le principe de réalité et de vérité, il a fini par l'emporter dans un premier temps. Oui, alors, c'est ça, absolument. Donc, la cohérence, la fermeté, la détermination et le refus des concessions. C'est-à-dire que c'est très clair. On ne touche pas aux enfants et ce n'est pas négociable. Alors, quand est-ce que Benoît Hamon doit rendre son prochain verdict, si j'ose dire? Début juillet, on n'a pas la date précise, mais on pense que dans la première semaine de juillet, on aura des nouvelles de notre ministre de l'Éducation. Moi, je peux lui lancer un message ici, c'est que si effectivement, il ne retire pas au moins symboliquement l'ABCD de l'égalité, plus que jamais à la rentrée, on sera là avec la JRE et la FAPEC. Et ma devise, elle est très claire, c'est vaincre ou mourir. J'irai jusqu'à la mort et nous gagnerons. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument de Béatrice Bourges qui consiste à dire que finalement, il serait presque mieux que l'ABCDR de l'égalité ne soit pas retiré par Benoît Hamon pour la simple et bonne raison que ce livre continue d'exister... Quel livre ? Le programme, vous voulez dire. Non, l'ABCD n'est pas un livre. L'ABCD est un programme sous différentes facettes, sous différentes séances, qui est mis en œuvre dans les écoles par les instituteurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'argument de Béatrice Bourges ? C'est tout un programme considérable. C'est-à-dire, c'est un programme scolaire qui consiste à mettre en scène en classe des situations où les enfants vont être amenés à douter de leur identité sexuelle, à choisir des orientations sexuelles, et ça nous conduit parfois à ce que des enfants rentrent chez eux, des petits garçons, et qui s'expriment à leurs parents, disent qu'ils veulent changer de sexe à 6 ans. Hein. 6 ans, on entend des choses pareilles maintenant. Se mettre du vernis à ongles le soir et se laisser pousser les cheveux pour se faire des tresses. Mais alors, Béatrice Bourges, justement, donne un exemple qui peut vous paraître un petit peu singulier. Elle dit, si on conserve ce programme, au moins on peut montrer solidement que le combat qui est le nôtre est un combat contre le programme qui est un combat visible face à un programme visible, alors que si ce programme est exclu ou est retiré, on aura exactement les mêmes méthodes pernicieuses qui continueront à l'école et qui continueront dans les milieux scolaires avec ou sans programme. Et là, on ne pourra plus dire, il y a un livre ou un programme qui existe. On sera beaucoup plus en face d'une perversité ou d'une manipulation consistant à dire, vous voyez, il n'y a rien qui prouve que la théorie du genre est enseignée à l'école, mais on pourra l'enseigner quand même. Écoutez, Béatrice Bourges, j'ai souvent parlé de cela avec elle, on partage beaucoup d'opinions convergentes. Je pense qu'elle a raison, retirer l'ABCD à un côté négatif, mais il a aussi son côté positif. C'est-à-dire que dans le combat aujourd'hui... Spectaculaire, médiatique et symbolique, on pourrait dire. Voilà, dans le combat que nous menons aujourd'hui, tout est à double tranchant. La situation est devenue, et d'ailleurs pour de nombreuses questions, tout est à double tranchant. On ne fait pas une mobilisation sans casser des œufs et sans se faire traiter de fasciste ou d'extrême droite aujourd'hui. Donc à chaque fois que nous avançons d'un pas, il est évident que nous recevons le prix à payer. Et moi, je suis prête à payer ce prix. Je pense que le retrait de la BCD, d'un certain point de vue, c'est positif dans la mesure où il vient concrétiser quand même une victoire et la rendre visible aux yeux de ceux qui ont combattu et qui ont souffert dans le combat. En particulier les familles des quartiers populaires. Et puis en effet, je rejoins Béatrice là-dessus. Si en effet on le retire, ça peut laisser penser à des gens qu'ils ne veulent pas se battre, que l'affaire étant entendue, il n'y a plus rien à faire. Mais nous sommes là, Béatrice et moi, notamment avec Alain Escada et puis tous ceux qui peuvent nous soutenir pour montrer que le retrait est une chose, le combat continue. Les raisons pour lesquelles le combat continue, c'est justement parce qu'il prend des voix de plus en plus sournoises. C'est la raison pour laquelle la JRE a toujours été claire dans sa revendication et dans le propos qu'elle a tenu dans l'espace public, nous sommes pour l'interdiction de l'idéologie du genre sous toutes ses formes à l'école. Donc c'est une voie qui a été tracée d'emblée par la JRE. L'ABCD de l'égalité est un programme particulier qui n'est pas l'ensemble de ce programme de l'idéologie du genre. Nous combattons pour l'élimination définitive de toute trace d'idéologie du genre à l'école, quelle que soit la forme que ça pourrait prendre. Est-ce que ça veut dire que si le programme était précisément retiré et que le programme Benoît Hamon en faisait fi, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, vous continuerez la bataille de la même façon, de manière aussi radicale, en regardant et en surveillant, en étant vigilante par rapport à la manière dont on pourra diffuser l'idéologie du genre à l'école ? Est-ce que ça sera votre combat ? Votre combat ne sera pas terminé ? Non, on le dit depuis tout le temps, c'est-à-dire que depuis la déclaration d'Hamon qui s'apprêtait à retirer la BCD, qui a déclaré lui-même qu'il fallait employer une médecine douce. C'est-à-dire que c'est la déclaration du ministre lui-même qui nous dit ça a été un peu violent, Payon n'a pas été très habile, d'ailleurs grâce à nous Payon est parti, mais ça change pas vraiment le problème. C'est pour ça que jamais je ne me suis félicité du départ de Payon, alors que j'aurais pu le faire. Nous avons été les seuls, finalement, dans le cadre de la mobilisation des JRE, à produire des résultats concrets. Le départ de Payon, le nettoyage de la ligne Azur, le fait de repousser la rédaction des programmes à 2015-2016, il y a quelque chose aussi, en plus de la JRE, qui a été extraordinaire et qui a fait trembler le pouvoir au point de céder aujourd'hui quand même une partie de ces plans, c'est la convergence entre les chrétiens et les musulmans pour la défense de la loi naturelle et des enfants. Ça, c'est quelque chose, je le sais de source sûre, qui a particulièrement ébranlé le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit arriver dans l'espace médiatique tout le blabla habituel de propagande contre les musulmans pour faire peur aux catholiques, dans la mesure où il est question de maintenir le cloisonnement entre les deux religions qui sont présentes dans le pays, étant entendu que nous sommes, je le répète, pas seulement pour rassurer les chrétiens, mais parce que c'est vrai dans un pays chrétien, et que je préfère cette convergence entre les catholiques et les musulmans pour aboutir à la victoire, plutôt que de se laisser aller au cloisonnement au profit des lobbies LGBT. Il faut bien comprendre aujourd'hui, on n'en a pas le temps aujourd'hui, mais non, que c'est l'islamisation de la France, qui est une terreur chez les chrétiens, et quelque chose de tout à fait chimérique sur lequel on pourra revenir plus tard. J'en ai parlé dans mes conférences sur le net, donc on peut aller se renseigner sur le sujet, mais qu'il est beaucoup plus urgent et important et prioritaire de faire l'alliance pour sauver les enfants contre les projets des LGBT, parce que la France aujourd'hui, elle est menacée par les lobbies LGBT, elle n'est pas menacée par les musulmans du quotidien. Et puis, sur les 7 ou 8 millions d'immigrés extra-européens présents en France, l'américanisation, occidentalisation décadente est beaucoup plus menaçante que l'islamisation, dont la plupart des immigrés sont minoritaires. Voilà. On doit les dénombrer au nombre de 600 ou 700 000, qui sont souvent des musulmans pieux. Évidemment, il y a des musulmans hybrides qui jurent par les marques, le fric, et qui brandissent le Coran. Ça arrive aussi, des musulmans mutants, on pourrait dire, puisqu'on vit dans une société de mutants. Mais évidemment, les immigrés extra-européens sont souvent montrer du doigt pour leur islamisation, alors qu'ils sont souvent américanisés, occidentalisés, comme les Français de souche. Absolument, Arnaud, alors, c'est absolument extraordinaire, Farida, parce que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que dans les banlieues, malheureusement, et nous serons chrétiens et musulmans les premiers à le déplorer, on voit arriver des jeunes Américains dégénérés plutôt que des jeunes musulmans ou des jeunes catholiques. Alors, quelles que soient les manipulations chirurgicales, hormonales pour transformer l'homme en femme, ou au contraire, on ne changera pas leur chromosome X ou Y. C'était par rapport à la remarque que vous faisiez tout à l'heure sur le plan biologique, clinique, médical, etc. Alors, dernière question, Farida Belghoul, parce qu'après, je sais qu'il faut que vous partiez. On va parler de l'affaire Vincent Lambert avec la maman de Vincent Lambert et l'avocat de Vincent Lambert. Est-ce que vous avez un avis en tant qu'être humain, en tant que mère et en tant que musulmane sur la question de l'affaire Vincent Lambert et de l'euthanasie en général ? Et de l'euthanasie. Alors, évidemment, l'islam est complètement contre l'euthanasie. C'est pas négociable. C'est une religion, comme toutes les religions, qui dit que la mort est dans les mains du Créateur et pas dans les mains des hommes. Point barre. C'est innégociable. On peut pas discuter de ce genre de choses. Et là aussi, il faut se mobiliser aux côtés d'une maman, comme la maman de Vincent, pour que effectivement ce principe reste fermement établi dans la société dans laquelle nous vivons. Le perdre ce principe, c'est comme perdre la différenciation sexuelle. C'est-à-dire, c'est aller encore une fois vers la barbarie. Mon opinion en tant que musulmane, c'est celui-là. En tant que maman, je salue la mère. Je salue la mère et elle vient nous montrer une fois de plus que si la maman se retrouve systématiquement au travail, mobilisée dans la société et non plus, attachée à ses enfants, eh bien, nous allons nous retrouver avec des enfants qui vont être les victimes de toutes les manipulations inconcevables et mortifères dont madame va nous parler maintenant. Et en tant que femme, eh bien, écoutez, moi, je salue son courage. Je sais que de cœur à cœur, je sens qu'elle souffre. Et sa souffrance est aussi la mienne, parce que lorsqu'on est côte à côte de cette façon-là, on ne peut pas faire autrement que de parler de ce qui nous définit en tant que maman. Et une maman dans la situation, c'est une femme dans cette situation-là, comme dans la situation dont je viens de vous parler, c'est quand même une femme qui pleure à l'intérieur. Et les larmes de la mère doivent être séchées par la collaboration du père, l'émergence de l'homme qui disparaît de plus en plus dans la société. Donc j'appelle les hommes autour de madame Lambert, et j'appelle aussi tous les enfants qui viennent autour d'elle pour l'aider avec leur maman, comme nous devons être aidés tous pour que l'enfance, la maternité et la figure du père soient sauvées. Alors cela peut être un peu prosaïque, Farida Belghoul, mais je lis juste une remarque d'un auditeur pour revenir à votre débat, et puis ensuite on passe évidemment à notre affaire. Je ne comprends pas que l'on se retranche derrière le code civil qui prévoit que l'éducation est sous la responsabilité des parents et que seule l'instruction est sous la responsabilité de l'État. Comment peut-on savoir si un retrait de l'école est comptabilisé ? Sabotage de l'école publique par rapport aux écoles privées. Oui, alors nous comptons les retraits parce que nous mettons à chaque JIR un formulaire en ligne qui distingue les différents niveaux maternels, primaires, collège et lycée. Les gens le remplissent à notre demande, ils le savent. Et nous faisons la comptabilité des retraits. Ce qui est très drôle, c'est que dans les écoles où il y a une forte participation, les chefs d'établissement ne remontent pas les vrais chiffres de peur de se faire réprimer. Donc on est dans une société aujourd'hui qui est complètement délirante et sous couvert de démocratie, en vérité, nous vivons la dictature. Alors, une autre remarque d'auditrice. Écoutez, madame Belghoul me donne envie de la suivre. Dieu sait que je n'ai pas une attitude de militante. Eh bien voilà, vous avez convaincu les auditeurs, cher Farida Belghoul. Merci. Merci. Et puis, on espère vous recevoir d'autres fois dans les locaux de Radio Courtoisie. Et je vois que vous êtes l'œil, et vous avez l'œil complice avec la maman de Vincent Lambert, et cela fait plaisir. Il faut l'écouter et la soutenir et empêcher qu'au travers de cet exemple se généralise une chose atroce qui s'appelle l'euthanasie, que toutes les religions condamnées interdisent, et que les agnostiques peuvent comprendre comme étant effectivement un fait qui est que civilement, légalement, nous instituons l'assassinat légal. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont supprimé soi-disant la peine de mort à l'égard de pédocriminels, par exemple, mais qui l'instituent pour des gens qui ne le méritent pas, comme le fils de madame Lambert. Merci Farida Belghoul. On passe de la musique. Une minute de musique et nous retrouvons la maman de Vincent Lambert et l'avocat Jérôme Triomphe. Thank you. Voilà, vous êtes bien au Libre Journal de l'Identité, que dirige aujourd'hui Arnaud Guyot-Janin qui vous parle. Nous avons parlé dans la première partie avec Farida Belghoul, porte-parole du jour de retrait à l'école, du combat qui est le sien contre la théorie du genre à l'école, et de son livre « Papa porte un pantalon et maman porte une robe » aux éditions RED, R-E-I-D. Nous parlons maintenant, dans cette deuxième partie du cas douloureux et délicat, de l'affaire Vincent Lambert, et nous parlerons aussi un petit peu du docteur Nicolas Bonnemaison, parce qu'on ne peut pas, quand on parle de l'un, s'empêcher de ne pas parler de l'autre. Et encore des remarques qui viennent à propos de Farida Belghoul. Farida Belghoul parle d'or, ses arguments sont émouvants d'intelligence, merci de l'avoir invité, etc., etc. Il y a également des questions qui anticipent notre débat, qui sont posées à l'intention de Maître Jérôme Triomphe, que je poserai tout à l'heure. Alors, que penser des affaires Vincent Lambert et du docteur Nicolas Bonnemaison ? La première question que j'ai envie de vous poser, Madame Lambert et Jérôme Triomphe, c'est la suivante. Il y a eu un traitement médiatique de ce sujet qui fait penser qu'un être humain qui se trouve depuis 6 ans à l'hôpital dans un état plus que difficile a été instrumentalisé de façon négative par les médias institutionnels. Et on a le sentiment que lorsqu'on parle de cet être humain qui n'est pas mort, qui est bien vivant, il faut quand même le répéter, et qu'on peut faire disparaître dans les mois qui viennent, si la Cour européenne des droits de l'homme que vous avez saisie rendait un verdict qui n'allait pas dans le sens du maintien en vie de Vincent Lambert, si la Cour européenne des droits de l'homme allait jusqu'à l'euthanasie de Vincent Lambert, il est évident que nous nous trouverions devant une jurisprudence qui ferait cas et qui serait préjudiciable évidemment pour Vincent Lambert, mais également pour les autres cas qui s'en suivraient et qui seraient instrumentalisés en tant qu'il serait le prolongement de la loi Leonetti. La première question que j'ai envie de vous poser, comment vous avez vécu ce traitement médiatique? Comment vous le percevez objectivement et subjectivement aussi? Parce que j'imagine que quand c'est son enfant qui est concerné et qu'on est à la télé, à la radio, dans les journaux et qu'on lit, qu'on voit tout ce qui est dit, la part de subjectivité d'une maman est quelque chose qui est évidemment très fort. Et vous n'avez pas le sentiment, parfois, qu'on parle de votre fils comme d'une chose, comme d'un matériau indispensable ? Oui, tout à fait. Bon, moi, je n'ai pas le talent de Jérôme. Hein. Je vais parler avec mon cœur de maman. Bien sûr. Tout à fait. Il y a une médiatisation voulue. On prépare, évidemment, on se sert de notre fils pour préparer l'euthanasie. Elle est déjà bien avancée. Il y a eu plein de débats. Et on va se servir de Vincent. Bien sûr, c'est certain. C'est et certain. Comment vous recevez les informations ou la désinformation ambiante, l'intox parce qu'on vous met d'abord, les familles sont apparemment... On a l'impression que la famille est très, très divisée et on fait parler beaucoup plus la partie adverse, celle qui souhaite l'euthanasie de votre fils, plutôt que vous ou votre mari, qui pourtant est a priori les personnes les plus concernées et les plus proches de votre enfant. Tout à fait. Ça a été orchestré par le docteur Carigère dès le début. Il a mes enfants, enfin nos enfants qui ne connaissaient pas du tout le docteur Carigère, alors que nous prenions souvent rendez-vous avec lui pour savoir où Vincent en était. C'était normal, on ne voulait pas le déranger à chaque fois. Mais quand je me souviens, ces dates, je m'en souviendrai toujours. Le 20 septembre 2012, on avait pensé à ramener notre fils en vacances à la maison, donc on a pris rendez-vous avec ce docteur on lui a expliqué notre désir, notre souhait. Il nous a dit, écoutez, mais moi, je ne m'y opposerai jamais. Comment comprenez-vous que du mois de septembre au mois de février, au moment où mon époux a eu un ennui de santé grave, il a eu un triple pontage, je ne pouvais pas être à Marseille avec mon mari et être à Reims. Oui. Contrairement à ce qu'on disait qu'on venait qu'une ou deux fois par an, c'est faux, nous venions très régulièrement, en particulier moi pour éviter de fatiguer mon mari, je venais par le train, d'ailleurs je restais chez une de mes filles à Reims pendant 10 jours, voire 15 jours, à chaque fois que je venais. Et donc là, ils en ont profité pour mettre en place cette décision la première fois. Et donc, c'était déjà voulu, puisqu'on n'a pas... On sait très bien que c'est écrit dans le dossier médical que docteur Carigère ne voulait pas que la famille le sache. Aucun membre de la famille, même dans les parties adverses. Aucun membre de la famille. Bon, ceci dit, moi, dès que j'ai pu me libérer, je suis venue voir Vincent, mon mari. Il était en convalescence, il est resté à Molan. Et là, c'est venu aux oreilles de docteur Carigère, qui a dû s'affoler ou qui a voulu me faire semblant de me mettre au courant. J'ai reçu un coup de fil dans le train qui m'a dit « Oh là là, il faut absolument... » Enfin, il m'a pas dit « Oh là là ». Il m'a dit « Écoutez, il faut absolument que je vous voie tous les deux ». Déjà, mon mari n'était pas avec moi. Et j'ai donc pris rendez-vous avec lui. Je l'ai vu le 5 avril. Il a essayé de me mettre au parfum, hein, mais j'ai compris où il voulait en venir. Je lui ai dit, mais dites-moi où vous voulez en venir. Alors voilà, il m'a présenté ça sur en me disant, bah, écoutez, voilà, on envisage, il faudrait que vous voyiez votre belle-fille, être d'accord avec elle pour ne pas la culpabiliser, etc. Donc, évidemment, j'ai craqué, puis j'ai fini par leur dire, parce que je n'étais pas seule avec lui, il y avait toute son arène. Hein, donc, Madame Oportus, une psychologue, une ou deux aides-soignantes, je ne sais plus exactement. Je sais qu'il y avait docteur Carigère, Madame Oportus, peut-être Madame Simon, je ne me souviens plus. Enfin, il avait toute son arène derrière lui. Et je lui ai dit, écoutez, docteur, Vincent a un père et une mère, donc je vais rentrer à la maison, je ne peux pas rester là très longtemps, je vais donc dire ça à mon mari, et mon époux prendra rendez-vous avec vous. Aussitôt, j'ai téléphoné à mon mari, et voilà, il a pris un rendez-vous avant que j'arrive à Molan, et il lui avait, rendez-vous compte qu'il lui avait donné un rendez-vous le 15 mai. Vincent était décédé à cette époque-là. Ça, c'était évident. Il savait bien ce qu'il faisait. C'était orchestré. Et ça, je suis furieuse contre lui. Ça a été de la malveillance à notre égard. Et ça a été de la... Comment ? Mon mari... Comment vous l'expliquez ? Comment je l'explique ? Je l'explique qu'il était de... Comment il a... Est-ce qu'il était de parti pris euthanasiste, par exemple ? Il jugeait le cas définitivement mort, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait véritablement, mais c'était bien, il visait bien l'euthanasie quand même. Ouais. C'était de l'euthanasie déguisée. Ouais. Quand on a su la suite, comment ça s'est passé, c'était de l'euthanasie déguisée. Rendez-vous compte, bon, mon mari d'un tempérament discret, réservé... il n'a jamais pris en considération qu'il était médecin en retraite, soit, mais médecin quand même. Et je pense que c'était quand même le père de Vincent, il aurait pu essayer de lui en parler. Ça a été déjà avec moi qu'il en a parlé. Il en a bien profité que mon époux n'était pas avec moi. Bon, ça, je passe la parenthèse. Voilà, donc après est arrivé ce qui devait arriver. J'ai quitté docteur Carigère le 5 avril. Et il lui a enlevé l'alimentation et l'hydratation le 10 avril. Donc c'était bien prémédité. Il a voulu nous mettre un petit peu au parfum. Et voilà. Alors on va revenir sur l'état de santé actuel de Vincent Lambert. Et puis nous allons également évoquer quand il a été arrêté de manger pendant près de 31 jours et qu'il a manifestement souhaité remanger, ce qui montrait qu'il avait le désir de vivre. Et que par conséquent, la conscience minimale qui était la sienne, ce qu'on appelle possi relationnel, hein, selon le terme un peu savant, montrait qu'il avait le désir de vivre. Alors, Maître Jérôme Triomphe, d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Comment devient-on l'avocat de Vincent Lambert ? Ça peut paraître un peu spécieux comme question, mais étant donné qu'il est depuis 6 ans à l'hôpital et qu'il est malade, c'est le moins qu'on puisse dire, comment est-on désigné avocat de Vincent Lambert ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, subsidiairement, c'était la question que j'avais posée juste avant. Que pensez-vous du traitement médiatique dont vous-même avez été victime depuis plusieurs jours? Parce que vous avez été, je dois dire qu'ils vous ont bien servi là, dans les médias, à la radio, à la télé, enfin vous avez eu le droit absolument à tout là. Les interruptions de parole, les publicités au moment où vous vous exprimiez, à un moment où vous parliez, enfin tout a été fait, je veux dire que là c'était la totale. Écoutez, pour répondre à la première question, comment devient-on l'avocat de Vincent Lambert? En réalité, je suis l'avocat des parents de Vincent Lambert. Mais de fait, vous avez raison, s'il y a un avocat ou une équipe d'avocats, parce que nous sommes trois avocats avec Jean Payot et Claire Lebray, notre avocat au Conseil d'État, nous sommes devenus des frères de combat judiciaire, frères et sœurs. Étant l'avocat des parents de Vincent qui sont les seuls à défendre Vincent, nous sommes de fait les seuls avocats de Vincent. C'est ça la réalité. Mais procéduralement, nous sommes les avocats des parents et de David et Anne, son demi-frère et sa sœur. Et puis comment le devient-on? Ben, je vais vous dire comment ça s'est passé. Un soir, je reçois un courriel de Viviane Lambert qui m'explique que depuis 15 jours, elle vient d'apprendre que depuis 15 jours ou 3 semaines, on a supprimé la nourriture de son fils. Et là, j'ai la réaction que n'importe qui peut avoir. Comment peut-on priver un être humain de nourriture? Ça me paraît sidérant. J'ouvre la loi Leonetti on rédige la requête en référé liberté dans la foulée. Mais voilà, c'est passé avec le bon sens que doit avoir tout être humain. Comment peut-on priver un être humain de nourriture? Passe juste la parole, mais il y a une remarque d'auditeur très polémique à laquelle vous pouvez peut-être répondre, et également Madame Lambert. On dit « La mère de Vincent Lambert est souvent qualifiée de catholique intégriste ». Bon, déjà, l'expression, si on disait catholique traditionnaliste, ce serait peut-être moins péjoratif. Le caractère diabolisant est déjà contenu dans le mot lui-même « intégriste ». Que souhaite en dire Madame Lambert? Est-ce que vous avez, sur ce point-là, très rapidement, est-ce que c'est parce que vous êtes une catholique traditionnaliste que vous avez fait appel à Jérôme Triomphe, qui lui-même défend souvent les catholiques traditionnalistes dans d'autres affaires? Non, pas du tout. On connaissait Jérôme Triomphe de nom, mais on n'avait pas du tout prévu ça, bien sûr. C'est facile de dire que nous sommes des catholiques traditionnalistes. Les médias disent même intégristes, alors c'est pour dire. Oui, intégristes, oui. Je suis catholique, point. Pratiquante, point. Je ne l'ai pas toujours été. Mais quand on veut donner une éducation à ses enfants, on est obligé de... On ne va pas lui dire va à la messe et ne fais pas ce que tes parents ne font pas. Donc, il est vrai, de formation, j'ai reçu. Et très vite, je me suis réveillée dans ce domaine. Mais qu'on ne se sert pas de ce... J'ai horreur qu'on me traite d'intégriste. Je dirais que c'est humiliant, c'est pas raisonnable, c'est insultant, c'est une insulte pour moi. D'ailleurs, quand bien même seriez-vous une catholique intégriste, ce qui n'est pas le cas, en tant que mère et catholique intégriste, seriez-vous à même de ne pas défendre le fils qui est le vôtre? Bien sûr, on n'a pas besoin, c'est ça que je voulais rajouter, on n'a pas besoin d'être catholique déjà pour défendre son enfant. Ça me révolte quand j'entends ça. On a été traîné dans la boue, on a été humilié dans beaucoup de domaines, on a été calomnié, c'est vrai. Et ça, je suis désolée, pour certains membres de la famille, entre autres le neveu, qui n'est qu'un demi-neveu, qui se sert de tout ça. Vous croyez qu'il y a un certain déséquilibre qui peut peut-être faire percevoir la réalité de la mort de votre fils d'une façon qui n'est pas forcément très objective et très juste. Tout à fait. Pour rebondir sur la question... Le traitement médiatique. Mais juste pour rebondir la réduction ad integristum. on ne peut rien y faire parce que de toute manière, c'est l'ennemi qui désigne et qui qualifie. Ouais. Pour moi, ça me glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais c'est quelque chose qui est assez... Je vais vous dire, moi, mon témoignage direct, le courriel que j'ai reçu ce soir-là à 22h, c'était le courriel d'une mère. C'était l'appel à l'aide d'une mère. c'était pas une catholique qui s'exprimait, et n'importe qui au nom de la loi naturelle doit défendre la vie de Vincent Lambert. Donc tout ça est grotesque. Maintenant, le demi-neveu en question, je l'ai entendu récemment sur une chaîne périphérique, nous expliquer que c'était moi l'inspirateur diabolique finalement. Ah bah évidemment. De la réaction d'une mère qui défend son petit. Vous êtes en fait soit suspecté d'être trop attaché à Dieu, oui. Soit d'être le diable. Ouais, voilà, c'est ça. Mais finalement, vous voyez, on ne prête qu'aux riches. Voilà. Alors, le traitement médiatique. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Le traitement médiatique, de traiter Vincent Lambert comme une chose. Oui. Je veux dire que la première fois que nous avons obtenu la première décision du 11 mai 2013 sauvant la vie de Vincent Lambert, après 31 jours sans nourriture, j'ai passé des heures au téléphone avec les journalistes à leur expliquer, parce que pour eux, c'était un légume en état végétatif, un tronc qui ne bouge pas, les yeux fermés, et qui est relié à des tuyaux respirateurs artificiels, etc. Je leur ai expliqué, mais c'est faux, Vincent, je l'ai vu, il dort, il se réveille, il ouvre les yeux, il vous suit du regard... Il n'est pas relié à un respirateur artificiel. Il n'a aucun tuyau. La seule chose, c'est que pour éviter les fausses routes, parce que... Il n'est pas dans l'état de Schumacher en parlant de route. Absolument, oui, oui, bien sûr. Il n'est pas dans un coma prolongé. Non. Hein, Schumacher, voilà. Il entend. Alors, il a une conscience altérée parce que son cerveau est atteint. Il peut signer des yeux, il peut cligner des yeux. Non, alors, il faut distinguer l'état de Vincent des états qu'on appelle d'enfermement, Lockett syndrome, pardon, pour Radio Courtoisie, mais où la conscience est totale. Là, il est en conscience altérée. Il est vulnérable, il est handicapé. Conscience minimale. Conscience minimale. Alors, posi relationnel. Posi relationnel, en latin, peu relationnel. Alors, ouais. Les experts judiciaires nous ont dit qu'il a régressé vers un état végétatif. Nous le contestons, cet état végétatif, mais ils disent que c'est une dégradation légère. Mais précisons tout de suite que l'état végétatif, c'est un terme qui doit immédiatement être récusé. Les spécialistes, les médecins, les soignants disent, nous, on préfère parler d'état d'éveil sans réponse. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation de conscience qu'il n'est pas conscient. Sa conscience est de toute manière altérée parce qu'il a des parties du cerveau qui sont abîmées, qui sont détruites. Mais voilà, le traitement médiatique, ça a été celui-là initialement. J'avais beau leur expliquer que Vincent n'était pas un légume, qu'il n'était relié à aucune machine et qu'il n'avait besoin pour vivre que d'une seule chose, c'est qu'on lui donne de la nourriture par le biais d'une sonde gastrique, quelque chose d'extrêmement classique et extrêmement courant. Cela n'a pas été pris en compte. Mais je voulais prolonger sur le traitement médical, parce que le traitement médiatique de considérer Vincent comme une chose, c'est le traitement médical qui a été exactement le même. Disons quand même, Jérôme Triomphe, pour être tout à fait juste, que la chosification de Vincent Lambert, d'un homme, d'un humain, n'est pas tant, parce que vous le dites de façon évidente, comme étant... rémanent, récurrent, etc. C'est le traitement médiatique qui fait qu'on parle sans arrêt de cette affaire Vincent Lambert, et même nous, d'ailleurs, on y succombe dans cette émission-là, qui fait que à force de parler de Vincent Lambert, on a l'impression qu'on ne parle plus d'une personne, mais précisément d'un matériau, alors que c'est un homme, c'est un être humain, qui vit actuellement, qui respire, qui a son cœur qui bat, qui se réveille, dont toutes les fonctions vitales fonctionnent sans aucune difficulté. Mais c'est évidemment, et on l'a martelé, on l'a rappelé, et personne n'a voulu nous entendre. Mais là où je veux prolonger, c'est le traitement médical, parce que quand le docteur Carigère, catholique pratiquant, revendiqué, père de 5 enfants, responsable Champagne-Ardenne du Parti chrétien-démocrate, dont il s'est mis en disponibilité pour ne pas nuire au parti, dit-il, opposant à l'euthanasie. Mais ça, c'est le lot de tous ceux qui veulent euthanasier en pratique. Leonetti le premier. Et on y viendra tout à l'heure par rapport à l'affaire Bonne Maison, parce que là, il y a des choses à dire. Le docteur Carigère a osé déclarer dans la presse, on ne vit pas pour vivre, on vit pour être en relation. Si les parents de Vincent Lambert trouvent une raison d'être à cette vie, qu'ils m'en donnent les preuves. Et cela va encore plus loin par rapport à certains médecins, dont le docteur Véronique Fournier, qui était le médecin conseil de Rachel l'épouse, qui a osé déclarer dans Libération le 16 janvier, au lendemain de la quatrième décision qui sauvait la vie de Vincent Lambert, parce qu'il y en a eu 3 autres précédemment, a osé déclarer que Vincent Lambert n'est plus une personne, il est gommé. Ce pauvre homme n'est plus une personne, il est gommé. Quand on n'est plus une personne, on n'est plus un être humain. C'est la réification, effectivement, de Vincent Lambert. Il n'est plus que, comme vous dites, un matériau dans le traitement médical. Une variable d'ajustement du capitalisme euthanasiste. Eh ben écoutez, ceux qui veulent prendre ces décisions hurlent leur grand Dieu que évidemment il n'est pas question de voir un quelconque aspect économique derrière tout cela, même si on sait que cela coûte cher de s'occuper des plus faibles et des plus vulnérables. Mais voilà, c'est véritablement. Si on veut tuer Vincent Lambert, c'est parce que Vincent Lambert n'est plus une personne pour ces gens-là. Le docteur Carigère, catholique, qui nous explique qu'on vit pour être en relation. Mais alors que fait-on des fous, des déments, des Alzheimer, qui ne sont plus en relation avec personne, qui vivent emmurés dans leur monde? Il va falloir aller tirer les conséquences de tout cela. Donc, tout cela n'est pas acceptable. Et cette, comme vous l'avez dit, cette chosification, c'est à la fois un traitement médiatique, qui a permis de manipuler l'opinion publique en faisant croire que personne ne veut être dans la situation. Évidemment que personne ne veut être dans la situation de Vincent Lambert, mais Vincent Lambert n'est pas un être végétatif. Je précise d'ailleurs à cet égard qu'on nous a beaucoup parlé sur ces notions d'obstination déraisonnable, de maintien artificiel de la vie. Qu'est-ce que c'est que le maintien artificiel de la vie pour tous ces gens-là? C'est le fait de maintenir une vie purement biologique, une vie purement somatique. Mais c'est quoi une vie purement biologique? C'est l'état d'une personne dont le cerveau est totalement détruit, qui ne respire plus par lui-même, dont le cœur ne bat plus par lui-même, dont le sang ne circule plus par lui-même, et qu'on maintient dans une vie purement biologique, dans l'attente du prélèvement de ses organes. C'est ça la vie purement biologique, la vie purement somatique. Et bien Vincent Lambert n'est pas du tout dans cette situation. Vincent Lambert, il est sur son lit d'hôpital, maltraité. Il est traité comme un mort-vivant, comme un mort en sursis. Il a comme seul horizon le plafond de sa chambre. On ne lui donne aucun des soins de base, la kinésithérapie. Il subit de véritables traitements inhumains. Mais quand vous allez le voir, Madame Lambert, vous allez le voir. Bien sûr, oui. Nous sommes ici, nous sommes à Reims depuis janvier. Bon, comme au jour le jour. Enfin, vous voyez votre fils, vous le connaissez, vous devez voir dans ses yeux, vous devez percevoir dans ses réactions comment il se porte, comment il en vit, comment il est. Est-ce que vous le trouvez plus diminué qu'avant? Est-ce que vous sentez chez lui un espoir? Est-ce que vous avez une perception de sa réalité humaine qui est beaucoup plus affirmée qu'avant? Enfin, qu'est-ce que vous ressentez en tant que mère et en tant que mère de Vincent Lambert? Écoutez, on est lucide. On sait très bien que, bon, sauf miracle, hein, et que sa situation est irréversible. Mais, Vincent a des réactions. Vincent, encore le 24 au matin, nous y allons tous les jours, bien sûr, avec mon mari, on se relaie. Le 24 au matin, je me répète peut-être, mais on ne me l'enlèvera pas, c'est un cadeau que notre fils nous a fait. Je suis rentrée avec mon mari dans sa chambre et je me suis mise systématiquement du côté gauche parce qu'il est beaucoup plus réceptif et ça, on l'a bien perçu. Et je lui ai dit, Vincent, papa, maman sont là. Bon, je lui ai dit ça, comme je dis d'habitude. Et eh bien, Vincent était droit dans son lit droit. Il s'est tourné à trois reprises vers moi. Oui. Il s'est tourné à trois reprises et il m'a fixé. Il m'a donné un courage pour affronter cette journée qui a été accablante. Je pensais sans cesse à ce qu'il avait fait. Ça, c'est un signe. Mais Vincent, bien sûr, on a pris des vidéos, avec son frère a pris des vidéos. Mais moi, j'espère, je ne crois pas que le CE a visualisé ces vidéos. Je ne sais pas, c'est... Bien sûr, c'est évident. Et je trouve même que depuis janvier, depuis que nous y sommes au quotidien, j'ai vu comment... Je ne veux pas dire qu'il évoluait, mais il était... Parce qu'on était là, on s'en occupé, on voyait ce qu'il faisait. Je répète souvent la même chose pour que ça rentre dans son... Et je lui disais, Vincent, maman est là, et je criais fort, Vincent, maman est là. Eh bien, regarde-moi, Vincent, il remontait les yeux vers moi. Et mon mari, quand il était avec moi, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Est-ce que vous connaissez, Maître Jérôme Triomphe et Madame Lambert, est-ce que vous connaissez le cas de Angèle Liébi? Bien sûr. Bien sûr. J'ai lu le livre. Nous l'avons aidé. On va en dire deux mots. En 2009, Angèle Liébi, qui est une Strasbourgeoise de 59 ans, paraissait plongée dans une inconscience totale. Et alors que le personnel soignant la tenait pour morte, à brève échéance. Avec un électroencéphalogramme plat. Elle en tenait et comprenait tout. Un médecin qui était entouré d'un groupe de personnes lui pinça le téton pour montrer comment on procède pour voir si la personne est vivante ou morte. Ça, c'est ce que raconte Angèle Liébi, hein, c'est entre guillemets. Et elle poursuit dans l'ouvrage qu'elle a publié. C'est une douleur atroce. J'étais restée inerte, comme si je n'étais plus là, alors que mon cœur battait. Et puis elle a retrouvé l'usage de son corps, et elle a raconté donc ce calvaire et sa soif de vivre dans un livre qu'on peut se procurer et qui s'intitule « Une larme m'a sauvée », parce qu'elle a effectivement pleuré au moment où elle a appris qu'elle pouvait s'en sortir. Et comme Vincent Lambert, les médecins lui ont dit « mais non, c'est de la conjonctivite ». Oui. Voilà. Ah. On est arrivé, on a roulé de nuit dès qu'on a su que Vincent on lui avait enlevé la nourriture et son hydratation. On est arrivé, on a roulé de nuit avec mon mari et un de ses frères. Et on est arrivé, Vincent, il nous attendait. Vraiment, c'est ça, il nous attendait. Il a pleuré quand son frère est arrivé avec ses enfants parce qu'on pensait que c'était la fin. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Il a pleuré. Sa sœur est arrivée, ça a été la même chose. On a dit ce qui s'était passé. C'est même pas nous, c'est une de nos filles qui a dit, qui était inquiète quand même, qui a été retournée, qui a dit au docteur Oportus, parce qu'on parle toujours du docteur Carigère. C'est le chef de service, c'est normal, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Mais le docteur Oportus a manipulé tout ça dès le début. On s'en est très bien rendu compte. Et avec le recul, c'est ça qui s'est passé. Et cette madame Oportus a dit à notre fille, mais non, vous inquiétez pas, c'est de la conjonctivite. Enfin, il y avait mon époux et moi, mon mari, on n'a pas besoin d'être médecin pour voir que c'était pas de la conjonctivite, c'était des larmes. Et pour rebondir sur Angèle Liébi, quand elle s'est réveillée, elle a dit au médecin, ne retirez plus jamais le téton d'une femme pour savoir si elle est morte. C'est épouvantable, j'étais totalement consciente. Le médecin lui a dit, madame, je recommencerai parce que c'est comme ça que j'ai appris à la fac. Alors deux remarques. Je parlais tout à l'heure du capitalisme euthanasiste parce que effectivement, évidemment, quand un malade est dans une chambre, si on le tue, on libère la chambre. Et si de multiples chambres se libèrent, c'est autant de chambres qui peuvent servir à mettre d'autres malades et donc à soigner davantage et donc à rapporter aux labos pharmaceutiques ou aux médecins qui sont dans cet hôpital. Il faut parler du livre de Jean-Claude Martinez qui s'appelle « Euthanasie, stade suprême du capitalisme » qui a été édité aux éditions Via Romana, qui explique bien tout ça. Et puis, d'autre part, d'un point de vue plus philosophique mais très très humain, très enraciné dans l'humain, c'est vrai que on disait autrefois, et on le dit encore aujourd'hui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors ça, on a l'air de l'oublier un peu. Et on l'a un peu remplacé par tout ce qui est à la mesure de l'homme. Et finalement, la fin de son existence justifie sa propre mesure. En quelque sorte, tout homme est sa propre norme. Tout homme est sa propre mesure. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse en quelque sorte l'humanité de l'homme, ni sa famille, ni Dieu, ni les êtres avec qui il est en relation, ni son humanité qui désirante de continuer à vivre. Alors il y a beaucoup de messages, il y a une avalanche de messages d'auditeurs. Je vais vous demander d'y répondre, mais alors vraiment de façon très courte, parce qu'on va essayer de répondre à tous les messages. Alors, pourquoi Vincent Lambert n'est pas emmené dans un autre hôpital? Parce qu'il refuse, il considère que seule l'épouse a un mot à dire et que les parents ne comptent pour rien. Et ils comptent d'autant plus pour rien que ce sont de méchants intégristes et que donc ils ne sont pas capables de raisonner, ça a été écrit quasiment comme ça. Maître Triomphe ou Madame Lambert pourrait-il nous dire pourquoi Vincent ne peut changer d'hôpital et être dans un service spécialisé pour les tétraplégiques? C'est très important ça. Les patients dans cet état doivent être, et c'est une circulaire du 3 mai 2002, soignés dans des établissements spécialisés, pas à l'hôpital, dans des établissements non pas de soins soins palliatifs, mais des établissements où on les lève le matin, on les met au fauteuil, on leur donne des activités, on leur fait de la kinésithérapie quotidienne, on leur fait des bains de délassement, de confort. Vincent n'a droit à rien de tout cela malgré une injonction du juge et malgré nos réclamations incessantes. Il est maltraité. Alors une remarque concomitante, une question avoisinante. Madame Lambert ne pourrait-elle pas faire transférer son fils dans une autre structure hospitalière qui accepterait de le prendre en charge, fût-ce de manière totalement privée ? On s'y emploie. Vous y employez, d'accord. On a eu plusieurs refus. Hein. La maman de Vincent est courageuse, je lui transmets toutes mes affectueuses pensées. Merci. Madame, pourquoi n'avez-vous pas pris votre fils chez vous ? Depuis 22 ans, une famille du Gard garde leur fille. Elle est dans une situation semblable. Ils ont essayé, hein ? Mais de toute façon, moi j'ai toujours dit, quand on s'est rendu compte qu'est-ce qui se passait, son épouse n'en a jamais voulu marcher sur les plates-bandes de son épouse. On l'a respectée toujours, faut se mettre à notre place. Elle nous disait toujours, je vous dis tout. Mais moi je suis prête à prendre mon fils chez moi, en attendant de trouver, on a quand même l'âge qu'on a, il faut penser pour plus tard, pour nos enfants qui travaillent, maintenant les enfants travaillent à deux, mais moi je suis prête à le prendre en me faisant aider, bien sûr. J'ai l'âge que j'ai, mon mari a l'âge qu'il a, mais je suis prête à le prendre en attendant de trouver une unité spécialisée. Voilà. Viviane, il faut bien voir aussi qu'on préfère que Vincent Lambert meure à l'hôpital plutôt qu'il vive chez ses parents. Bien sûr. Ouais, alors là, une remarque provocatrice à votre endroit, Maître Jérôme Triomphe, vous avez l'habitude. Maître Triomphe devrait dire qu'il faudrait euthanasier Schumacher. Et non, moi je suis pour qu'on euthanasie personne. Voilà. Que fait le neveu de Vincent Lambert dans cette affaire ? Madame Lambert peut-elle nous expliquer l'importance que la présence de cette personne et de sa famille ? On le voit partout. On le voit partout, bien sûr. Et les médias s'en servent, évidemment. Ils ont un bon client, c'est tout. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Il ne faudrait pas oublier l'extrême ignominie des médias français qui n'ont laissé que très peu de temps à Maître Triomphe de s'exprimer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, à chaque fois, on vous coupe la parole, que ce soit chez Galzi, puis la manière dont on vous présente n'est guère enchantante, oui, et n'est guère enthousiasmante et n'est guère positive. Oui, mais vous en réjouissez. Hein. Ça ne vous impressionne pas. Non, mais il faut dire que jusqu'à présent, à part la décision du Conseil d'État, on n'a eu que des décisions positives pour Vincent Lambert. Ça les rend C'est ça qui est important. Mais bien sûr. J'ai entendu dire qu'il y avait à Strasbourg une clinique prête à accueillir Vincent. Oui. Maître Triomphe est-il au courant et que bien peut-il sûr. Faire ben Merci si. De cette émission. Nous nous y employons et c'est une unité spécialisée qui est dirigée par le docteur Jean Blanc qui s'occupe de ses patients comme des êtres vivants. Et que j'ai visité. Bonjour à tous, à l'intention de Maître Triomphe, connaissez-vous le cas de Rome Houden, considéré dans un état végétatif pendant 23 ans, oui, mais qui était conscient? Le docteur Steven Lores de l'Université de Liège l'a découvert en 2009 et permet ensuite une communication facilitée par un intermédiaire, hélas peu crédible, qui a fait controverse. Peut-il... Il n'y a pas eu controverse. Ah bon, d'accord. Peut-être est-il possible de prendre contact avec le docteur Lawrence? Non, mais bon, le courage. Le docteur Lawrence a examiné Vincent, c'est lui qui l'a diagnostiqué avec un état de conscience minimal plus. Ce cas de ce garçon qui est resté 23 ans en état post-irrationnel, on le disait en état végétatif. Et il y a un autre cas d'une personne de 19 ans, qui est restée 19 ans en état post-irrationnel, qui était dans l'état de Vincent. Un jour, il a ouvert les yeux et il a dit « Maman ». Et depuis, il reparle. On peut sortir de ces états-là. Bon, j'ai une photo devant moi. Exceptionnellement, mais on peut. De Vincent Lambert, qui est très émouvante. Et c'est toujours difficile d'en parler parce qu'à la radio, on se soumet toujours aux injonctions de la dictature de l'émotion et au racolage qu'on essaie d'être le moins possible opéré par à la fois la maman de Vincent et son avocat. Et on est quelques-uns dans cette pièce à le voir et à être bouleversé parce qu'on voit un être humain qui souffre, mais qui a l'air quand même bien éveillé. Manifestement, on sent de la vigueur dans son regard. Il ne souffre triste. Pas. Il est surtout triste. Les experts ont souligné qu'il ne souffrait pas. Hein. Il faut quand même le dire. Parce que ça serait un des arguments pour le tuer. Hein. Parce que l'argument qu'on oppose souvent, c'est de dire qu'il faut abréger ses souffrances. Mais il ne souffre pas. Il ne souffre pas. Les experts le disent. Voilà. Alors, que pensez-vous de l'affaire Bonne-Maison ? Parce que, évidemment, les deux affaires sont tombées en même temps, en une minute. La loi Leonetti, il faut bien voir ça, c'est ça le problème. On nous a dit, c'est une loi qui dit pas d'acharnement thérapeutique, on est d'accord. Pas d'euthanasie, on est d'accord. Mais Leonetti Bonnemaison, c'est la même logique de mort. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les médias ont encensé l'acquittement de Bonnemaison qui avait tué, et ils ont encensé le Conseil d'État qui avait décidé la mort. Il faut voir une chose, c'est que la loi Leonetti, c'est juste Bonnemaison en hypocrite. Parce que Bonnemaison, il poussait sur la seringue, Leonetti, avec Leonetti, on enlève la nourriture jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est la même logique de mort, il n'y a aucune différence tant dans le traitement médiatique que dans le traitement médical. D'ailleurs, Leonetti s'est prononcé en faveur de l'euthanasie de Vincent Lambert. Ah bah évidemment, avant-hier. Mais en nous expliquant que c'est pas une euthanasie, c'est que voilà. On laisse la nature faire. C'est sûr que quand vous nourrissez pas un nourrisson, vous laissez la nature faire aussi, il va mourir. Merci Madame Lambert d'être venue, je sais que c'était pas facile parce que c'est une de vos premières, ou peut-être même votre première émission à la radio. Vous avez été interviewé par quelques télés, mais on vous voit quand même peu, par rapport au neveu notamment de Vincent Lambert. Merci. Et donc merci d'avoir répondu présente à nos questions et être présente dans le studio. Et merci pour votre combat qui est le nôtre aussi. Si ça peut éclairer, tant mieux. Merci madame. Merci Jérôme Triomphe. Merci. Et puis nous aurons l'occasion, je pense, de revenir sur cette affaire. Merci chers auditeurs. Et au mois prochain, vous retrouverez Pierre-Alexandre Bouclet. Quant à nous, nous nous retrouvons mardi soir pour le Libre Journal des Enjeux Actuels à 21h30. Merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal de l'Identité, dirigé aujourd'hui par Arnaud Guyot-Janin, diffusé en direct vendredi 27 juin 2014, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30. Samedi 28 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. C'était Farida Belghoul, Vivienne Lambert et Maître Jérôme Triomphe. Théorie du genre et euthanasie. Où en est le combat contre la théorie du genre à l'école? Que penser des affaires Vincent Lambert et du docteur Nicolas Bonnemaison? Un débat diffusé dans le Libre Journal de l'Identité, le vendredi 27 juin 2014, sur Radio Courtoisie. Fichier audio fourni par MP3 Résistance. MP3 Résistance fournit en version audio, des documents médias originellement vidéo. Conférences, interviews, émissions radio. Tous les propos nationalistes, patriotiques, et divers programmes de réinformation. L'information à l'encontre de la pensée unique du système, c'est-à-dire de la matrice. Pour télécharger d'autres entretiens, débats, conférences et émissions radio au format audio, allez sur le site de MP3 Résistance en tapant www.mp3resistance.tk.